Chapitre 35e, où l'on règle ses comptes. Le village de Leslewood était ému de la nouvelle d'un accident arrivé au maître de Leslewood Park. De grand matin, le lendemain des courses, Sir Rupert Lessel avait été trouvé par une bande de laboureurs se rendant à leur ouvrage, étendu, défait, et tout sanglant sur la route peu fréquentée qui conduit de Chilton à Leslewood. Les débris d'un dock-cart jonchaient le sol. Les brancards en étaient brisés, une des roues renversée et les harnais en morceaux. Les hommes prirent une claie dans un des champs environnants et déposant le corps inanimé du baronnet sur cette rude litière, ils le portèrent à 3 000 de là, à un village appelé Underhill, à mi-chemin environ de la route de Leslewood, puis ils le transportèrent chez un médecin de l'endroit. Ils trouvèrent le praticien du village en train de déjeuner. Il se leva aussitôt en voyant l'état du malade que ces hommes lui apportaient. Une foule de villageois, inquiets et curieux, encombraient la porte et la fenêtre du petit laboratoire sur la table duquel Sir Rupert Lessel avait été étendu d'après les indications du docteur. Une de ses jambes était complètement brisée par la violence avec laquelle il avait été précipité de la voiture. Les côtes droites étaient brisées et une des épaules était démise. Le docteur avait l'air très grave en constatant toutes ces blessures. « Les gens qui l'ont rapporté savent-ils qui est ce gentleman ? » demanda-t-il. « Non, ils ne savent de lui que ce qu'ils ont dit. Ils l'ont trouvé tendu sur la route, la voiture en morceaux, à côté de lui. « C'est un mauvais coup, » dit le docteur. « Il est dans un triste état. » Il aurait pu dire dans un état désespéré. Pendant tout ce temps-là, ce Rupert restait dans un état complet d'insensibilité, n'entendant rien de ce qui se disait autour de lui et n'ayant même pas conscience de l'état dans lequel il se trouvait. On trouva un petit carnet émaillé et brodé de perles dans la poche de son gilet. Une carte leur apprit son nom et son rang. Le médecin d'Underhill était un jeune homme qui n'avait jamais eu la bonne fortune de guérir aucun personnage important. Sa clientèle se composait de riches fermiers et de négociants retirés. Il devint presque aussi pâle que son malade à l'idée de se voir un vrai baronnet à soigner, un propriétaire si riche sous sa propre main, dans son propre laboratoire. Il était si enchanté de cet heureux privilège qu'il éprouvait quelque embarras sur le meilleur moyen d'en tirer parti. Son premier mouvement fut d'envoyer un peu rudement les curieux à leurs affaires. « Allons, disait-il, dégagez la porte et la fenêtre, voulez-vous ? Il n'y a pas moyen d'avoir un peu d'air ici tant que vous resterez là. Allez à vos travaux et donnez à Sir Rupert une chance de revenir à lui. » Sir Rupert Lessel. C'était donc Sir Rupert Lessel de Leslewood Park qui était étendu sans connaissance, broyé, mort, couvert de poussière, les vêtements tachés de sang sur la table du cabinet de M. Dawson. On ne suppose pas que cette nouvelle fit partir les villageois avec plus d'empressement. Ils firent seulement semblant de s'en aller pendant quelques instants, puis ils revinrent tout doucement et sans bruit. Mais Sir Rupert ne manifestait pas la moindre velléité de revenir à lui et à ses souffrances. On lui fit respirer de l'esprit de corne de cerf et de l'ammoniaque. On inonda son visage de vinaigre et d'eau fraîche, et quand à la fin, il ouvrit les yeux injectés de sang, ce ne fut que pour regarder vaguement autour de lui pendant quelques instants et les refermer aussitôt. Après délibération, le jeune docteur adopta la marche à suivre. Il envoya un des villageois à la principale auberge de l'endroit, avec ordre de se procurer la meilleure voiture possible et de l'amener immédiatement. Une demi-douzaine de paysans partirent pour exécuter cette commission, tandis que les autres demeurèrent pour savoir ce que deviendrait Sir Rupert Lessel. Je pense que les honnêtes paysans s'imaginaient que M. Dawson allait remettre les membres du baronnet à leur place en une demi-heure ou quelque chose d'approchant, et qu'il allait lui rendre la santé à l'instant même pour leur édification. Une grande voiture, non suspendue, spacieuse et solide, traînée par un cheval blanc couronné, arrivait avec un grand fracas sur le pavé du village et s'arrêtait avec autant de bruit qu'une diligence à la porte de la maison du médecin. On porta Sir Rupert Lessel sur un des matelas de M. Dawson, et le matelas fut étendu avec soin dans la voiture et maintenu à l'aide d'un ingénieux système par les vieux coussins rongés au vert. Le médecin, pourvu de mixture et de lotion, d'une éponge et d'une bouteille d'esprit de corne de cerf, sauta dans la voiture après avoir donné quelques ordres au vieux conducteur et s'est assis lui-même à côté du malade. M. Dawson avait résolu de transporter le jeune baronnet directement à Leslewood Park et de là le remettre entre les mains de ses parents et amis. Olivia Lessel déjeunait dans la bibliothèque, auprès de la fenêtre en ogive. Elle n'était pas seule, car Mrs. Varney était étendue sur une chaise longue de l'autre côté de la fenêtre et bâillait sur un journal. Dire que les deux femmes s'accordaient, ce serait peut-être beaucoup s'avancer, mais elles n'étaient jamais en désaccord. Adeline Varney ne demandait au monde que de belles robes et de somptueux dîners, une voiture dans laquelle elle put se promener, et une belle maison à habiter. Ceci, une fois obtenu, elle donnait quittance à la fortune et devenait la créature la plus facile et la plus aimable. Sa résidence à Leslowood Park lui assurait tout cela. Elle sentait que le major était réellement le maître du lieu, et que tous les avantages qu'offrait le château étaient autant à sa disposition qu'à celle d'Olivia Lissel. Ni l'une ni l'autre de ces deux dames ne s'était alarmée de l'absence prolongée du baronnet et de son ami. Olivia ne s'intéressait pas plus aux faits et gestes de son mari qu'elle ne se fût intéressée à ceux de quelque animal nuisible, et Adeline accordait une telle confiance au brillant major que, fût-il resté absent tout un mois, elle eût été parfaitement heureuse avec la certitude qu'il avait de bonnes raisons pour cela. Donc, les deux dames prolongeaient leur déjeuner. Lady Lissel, triste et distraite, les yeux fixés vaguement sur le jardin, tandis que Mrs. Varney s'amusait à sucer une aile de pigeon, tantôt à mordre dans une petite tartine de pain rôti, tantôt à peler un abricot, ou à manger une grosse poire de guernesey coupée en quatre, enfin effleurant toutes les friandises de la table avec un plaisir tout épicurien. « Savez-vous, Lady Lissel, dit Mrs. Varney, après avoir contemplé Olivia pendant quelques instants à travers les cils à demi-clos de ses beaux yeux fendus en amande, « savez-vous que je m'imagine quelquefois que vous ressemblez à un homme qui est mort dans cette maison ?»« Vous voulez parler du capitaine Walsingham ?»« Oui, le pauvre Arthur Walsingham, qui épousa votre jolie blonde belle-mère et qui termina ses jours dans cette splendide prison. Il y a dans votre visage un air que j'ai vu 100 fois dans le sien, l'air d'une personne qui a commis une terrible erreur. » « J'ai commis une erreur, moi, » s'écria Olivia en fronçant les sourcils. « Vous savez cela aussi bien que moi, et je m'étonne que vous osiez m'en parler. » Mrs. Granville Varney leva au ciel ses yeux noirs avec un air d'innocence tout charmant. « Ma chère Lady Lissel, » dit-elle, « souvenez-vous, je vous prie, que je ne sais rien. Quels que soient les secrets que puisse avoir mon mari, ces secrets ne sont pas les miens, et je suis beaucoup trop stupide pour qu'il me les confie. » Elle haussa les épaules avec un mouvement plein de gaieté et sortit de l'appartement en fredonnant une joyeuse barcarolle. Une demi-heure après, Olivia commanda son cheval et sortit pour faire une longue promenade dans la plaine. Elle rencontra une lourde voiture roulant lentement sur la route qui sépare les Leslowood des plaines, mais elle était trop absorbée dans ses tristes pensées pour remarquer ni la voiture ni ce qu'elle contenait. Il était 5 heures de l'après-midi quand elle rentra. La femme de la loge la regarda d'un air plein de compassion. Elle mourait d'envie d'annoncer la catastrophe à sa maîtresse. Son mari sortit de la loge en fumant sa pipe, tandis que près du jardin se tenaient 2 ou 3 villageois en visite à la loge, qui étaient arrivés à temps pour apprendre la nouvelle et la porter à Leslowood. Olivia remarqua l'étrange expression de figure de ces gens, qui tous mouraient d'envie de lui apprendre la fatale nouvelle. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle à la femme du portier. « Que font ces gens-là ici ?» Cela suffit pour délier la langue de la femme. « Oh, Milady, pauvre Sir Rupert, pauvre cher gentilhomme. Mais remettez-vous, Milady, ne vous laissez pas aller à la douleur. Il peut encore revenir, Milady. Le médecin de Londres est avec lui et on fait tout ce qu'il fallait. Ainsi, ne vous alarmez pas. » Mais Olivia Lissel ne donnait pas le moindre signe de chagrin. Son visage devint très pâle, ses grands yeux noirs se dilatèrent, et quand un des villageois plus officieux lui apporta un verre d'eau, et le lui offrit avec un air de circonstance, elle l'arracha des mains du pauvre homme et l'envoya se briser en 1000 morceaux sur les pierres du chemin. « Est-il arrivé quelque chose à votre maître ? » dit-elle à la femme, d'une voix claire et sèche. « Oui, mais Milady, on devait vous le cacher et nous... Lui est-il arrivé quelque chose ? Allons, répondez-moi, le voulez-vous, oui ou non ?»« Oui, Milady, » répondit la femme, « Sir Rupert est tombé de sa voiture et sa vie est en danger, mais ne vous... » Avant que la femme eût le temps de finir sa phrase de consolation, Olivia avait appliqué un coup de cravache sur l'encolure de sa jument et galopait sur l'avenue du château. Les braves gens au centre en regardèrent lorsqu'ils eurent vu le cheval disparaître dans les branches des hêtres de l'avenue. « Comme elle prend drôlement la chose !» murmura la gardienne de la loge. « Elle est fâchée et furieuse, mais pas le moins du monde désolée. Moi, j'aurais crié, comme eût entendu du village. » Son mari secoua la tête en signe d'acquiescement. Les cris étaient justement les armes terribles que sa femme tenait suspendues sur lui en toute occasion. « Il y en a qui prennent la chose autrement que les autres, » dit-il avec gravité. « Mais, » ajouta-t-il en baissant la voix, « j'ai entendu dire que Sir Rupert et Milady n'étaient pas ensemble les gens les plus heureux de la terre. » Lady Lestrade marcha droit à la chambre voisine de celle où on avait transporté son mari. Deux graves docteurs causaient ensemble à voix basse dans l'embrasure d'une fenêtre, tandis que M. Dawson, le médecin d'Underhill, se tenait à une distance respectueuse, se frottant les mains avec ardeur. L'intendant de Sir Rupert avait télégraphié à Londres et Brighton pour demander de prompts secours médicaux, et M. Dawson se trouvait inutile entre les deux éminents docteurs qui le regardaient sournoisement à travers leurs doubles lunettes, et qui firent entendre une petite toux douteuse quand il leur décrivit le traitement auquel il avait soumis le baronnet. Pâle et calme, son chapeau d'Amazone à la main, et ses épais cheveux noirs tombant sur ses épaules, Lady Lestrade parut devant les trois hommes de l'art. « J'apprends que Sir Rupert est en danger, » dit-elle avec calme. « Voulez-vous être assez bon, messieurs, pour me dire l'étendue du danger ?»« Madame, » dit un des docteurs d'un ton affecté, « l'art médical fera de son mieux pour Sir Rupert Lestrade. Vous pouvez y compter. Si on peut le sauver, nous le sauverons. »« Mais vous croyez qu'il sera difficile de le sauver ?» demanda-t-elle. Il s'était attendu à des sanglots et à des lamentations, et le calme de ses manières les surprenait. « Oui, madame, une difficulté sérieuse. » Elle avait jusque-là été très pâle. Mais lorsque le médecin de Londres prononça ces mots qui, du ton dont il les dit, pouvaient passer pour l'arrêt de mort du baronnet, son visage devint pâle comme un linceul, et il porta la main à son front comme pour assembler ses idées. M. Dawson s'empressa de lui avancer une chaise, croyant que cette nouvelle inattendue l'avait accablé. « Elle ne va pas se trouver mal, » dit à voix basse le médecin de Brighton, qui rougit de sa méprise. « Messieurs, » dit Olivia d'un ton grave, « vous ferez de votre mieux pour le malade, je le sais. Tout ce que la science médicale peut faire, il faut le tenter. Si vous désirez d'autres avis, je vous supplie de faire venir les hommes les plus éminents de Londres et du continent. On ne néglige rien. Le résultat est entre les mains de la Providence. Nous ne pouvons qu'attendre avec calme et résignation. » Il y avait dans les manières de Lady Lestrade quelque chose de si différent de la conduite des femmes en pareille circonstance que les trois docteurs se regardèrent simultanément. Olivia se laissa tomber sur un fauteuil près de la table et cacha sa tête dans ses mains. Elle priait Dieu d'empêcher qu'elle éprouvât une joie cruelle de l'accident arrivé au maître de Lestrade.